Comment convaincre des gens qui ne parlent pas votre langue ? Lorsque l'Église chrétienne s'imposa comme la religion officielle du royaume des Francs, une question majeure s'est posée pour ceux qui la dirigeaient. Étant donné que les textes sacrés et la parole liturgique étaient en latin, comment convertir des peuples qui ne parlaient pas cette langue et qui ne savaient pas lire ? On considère traditionnellement que les recommandations du Concile de Tours de 813 marquèrent l'étape finale dans la prise de conscience qu'il existait un fossé qu'il fallait absolument combler. Plusieurs solutions commencèrent alors à être proposées et mises en œuvre. Au départ, elles consistèrent surtout à redoubler un texte latin incompréhensible en le traduisant ou en prêchant en langue romane. Mais les prêtres qui officiaient sur le terrain réalisèrent peu à peu que le moyen le plus efficace était de dramatiser, au sens théâtral du terme, la liturgie de l'Écriture sainte. Comme le montre aussi l'exemple du catéchisme par l'image, pour enseigner et émouvoir, les hommes d'Église joignirent le geste à la parole. Au théâtre, le drame surimpose au texte la mimique et la voix. En reprenant à son compte ce type d'esthétique, l'Église chrétienne mit au point des drames dans lesquels la parole narrative encadrait le chant avec des personnages qui pouvaient s'exprimer en latin ou en langue vulgaire. Cette forme de transmission du message religieux fut très efficace car elle ajoutait à une compréhension intellectuelle d'un discours transmis en latin une identification affective. Grâce au chant, au langage du corps et à la langue vulgaire, les hommes d'Église mobilisèrent des ressources propres aux classes populaires pour compléter, mais aussi parfois pour contredire, le texte narratif en latin. L'irruption de la langue du peuple dans la communication chrétienne introduisit donc une forme de bilinguisme qui encouragea un mode de participation des gens du peuple au récit biblique, mobilisant leurs émotions. Les spécialistes estiment que c'est à partir du XIe siècle qu'on vit apparaître, même s'ils étaient encore peu nombreux, des drames bilingues à côté des drames latins. Le plus célèbre d'entre eux, intitulé « Le jeu d'Adam », n'est pas le meilleur exemple, car la langue profane y reste encore soumise au patronage du texte latin. Même si l'évolution ne fut pas linéaire, c'est au cours des siècles suivants que l'Église créa et diffusa les drames bilingues les plus efficaces pour l'éducation religieuse des masses. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le problème que l'Église chrétienne s'est posé au 8e siècle nous concerne encore aujourd'hui. Les prêtres, qui s'efforçaient de transmettre leur foi aux paysans de leur paroisse, avaient conscience que la question du bilinguisme n'était pas résolue quand on se contentait de traduire une langue écrite dans une autre langue écrite. Ils avaient compris qu'il existait une grande différence entre la production d'un discours lettré et sa réception dans les milieux illettrés. Aujourd'hui, la plupart des Français savent lire et écrire, mais cela n'empêche pas que les discours des élites fassent l'objet d'interprétations plus ou moins éloignées du sens visé par celles et ceux qui émettent ces discours.